Hallelujah. Before we close, we all pray together to destroy any evil eyes against us in this ministry. Bevor wir Schluss machen, werden wir auch dafür beten, dass wir jegliche bösen Augen zerstören, die gegen uns sind. Destroy any spirit of power behind death. Kraft und Macht, die von des Todes, zerstören wir auch über uns. Amen. I know we have prayed about it today in the evening. Ich weiß, dass wir heute, we and the children, Nachmittag schon dafür gebetet hatten. And we prayed, but the Lord still wants us to pray about it. Aber der Herr möchte dennoch, dass wir nochmal dafür beten. So before we close today, we will pray. Amen. Amen. Avant qu'on finisse avec l'église, on va prier tout ensemble pour prier contre tout esprit qui est en train de nous voir ou de nous contrôler. On va aussi détruire chaque esprit qui veut causer la mort et puis qui veut nous mettre dans la tristesse à travers la mort d'une personne. Et puis c'est pour cela qu'on va prier ensemble. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to discern the spirit that even lives inside us, especially the spirit of our mind. Der Herr möchte, dass wir den Geist unserer Seele unterscheiden können, besonders dieser Geist, der in unseren Gedanken lebt, unsere Seele. Et puis, le Saint-Esprit veut aussi qu'on soit capable à discerner tout esprit qui travaille à travers de nous, spécialement sur les pensées. Because every day, every minute, every second, you are going to be taking decisions. Denn jede Sekunde wirst du Entscheidungen treffen müssen. Parce que au chaque seconde, tu vas prendre une décision. And this spirit is, you know, both of them is one is going to help you to always take whatever decision you are going to take. Und eins davon wird dir immer dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Also entweder der Geist von Christus oder ein anderer Geist. Et soit l'esprit de Jésus-Christ va t'aider à prendre des décisions ou c'est l'esprit mauvais. And in Romans 6:16, he said, whoever you yield yourself to will direct your life. Wem auch immer wir uns hingeben, der wird unser Leben kontrollieren. Et Romains 6 nous dit aussi que à chaque personne qu'on va se soumettre, c'est cette personne qui va nous guider. Look at it. Romains 6:16. Romains 6, verset 16. It says, know ye not that to whom you yield yourself servant to obey, the servant you are to whom you obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. It means you know, it's either going to be Christ or Satan that will help you to take decision. Entweder wird Christus oder Satan dir helfen, Entscheidungen zu treffen. Et verset 16 nous montre soit c'est Jésus Christ ou c'est le diable qui va t'aider à prendre des décisions. Praise the Lord. Amen. And we have to know who is taking decision in us and through us. Wir müssen wissen, wer Entscheidungen durch uns und für uns trifft. Et on doit savoir qui prend la décision en nous et puis pour nous. Praise the Lord. Amen. Amen. Let us go to 1 Corinthians 12. We were there on Sunday. Let's go there again. 1 Corinthians 12, please. Amen. Amen. 1 Corinthians 12. From verse 1. Verset 1. First Corinthians 12 from verse 1. 1 Corinthians 12:1. From verse 1. Verset 1. Second one. First. Not second, first. It said, now concerning spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. Don't be ignorant of the spiritual gifts, the gift of the Holy Spirit. Wir dürfen nicht unwissend sein gegenüber den Gaben des Heiligen Geistes. Et on ne doit pas être ignorant concernant les manifestations de l'esprit. The Lord wants us to know them. Der Herr will, dass wir sie kennen. Et Dieu veut qu'on les connaisse. He wants us to know how they function. Der will, dass wir wissen, wie sie funktionieren. Il veut qu'on sache comment ça fonctionne. He wants them to be seen in our life. Dass das in unserem Leben gesehen wird. Il veut aussi que ça soit, que ça se montre dans nos vies. He wants them to be operated in us and through us. Dass sie durch uns und in uns wirken. Et puis il veut aussi que ces dons puis ces manifestations travaillent en nous et puis à travers de nous. He said, don't be ignorant of them. Amen. Amen. You know that you were Gentiles, verse 2. Verset 2. Carried away unto these doomed idols, even as you were led. Praise the Lord. Hallelujah. We were once led by Satan. Wir wurden einst geleitet durch den Satan. On était guidé par le diable. We were once led by the system of this world. Wir waren einst geleitet vom System dieser Welt. On était aussi guidé par le système de ce monde. You know the demons, evil. The natural world. They were once our teacher. Dämonen, die natürliche Welt, sie waren einst unsere Lehrer. Les démons et le monde a été notre professeur et nous montrer comment vivre. Then we have a teacher today that is different. Amen. Avec un autre lehrer heute. Mais aujourd'hui nous avons un autre professeur. That is coming from the Lord Jesus. Und dieser Lehrer kommt vom Herrn Jesus Christus. Et ce professeur il vient de Jésus Christ. And this teacher is the Holy Ghost. Und dieser Lehrer ist der Heilige Geist. Amen. Et ce professeur c'est le Saint Esprit. Praise the Lord. He is the one leading us today. Er ist derjenige, der uns leitet heute. C'est lui qui nous guide aujourd'hui. You can never be saved without him. Du kannst niemals errettet sein ohne ihn. Tu peux jamais être sauvé sans lui. You can never know the truth without him. Du kannst die Wahrheit nicht kennen ohne ihn. Tu peux jamais connaître la vérité sans lui. You can never know Christ without him. Du kannst Christus nicht kennen ohne ihn. Is somebody tu peux jamais connaître Jésus-Christ sans lui. Praise the Lord. Alléluia. Without him, nothing can be done in our life. Ohne ihn kann nichts auf kann nichts in unserem Leben geschehen. Et sans lui, rien peut être fait dans nos vies. Without him, Satan will take control of us. Ohne ihn wird because Satan of his lies. Uns kontrollieren wegen seinen Lügen. Et sans le Saint-Esprit, c'est le diable qui va contrôler notre vie à travers ses mensonges. But we have the spirit of truth. Wir haben den Geist der Wahrheit. Mais nous avons l'esprit de la vérité. That is always there to reveal all the truth to us. Der immer da ist, um uns die ganze Wahrheit zu offenbaren. Qui est toujours là de nous révéler toute la vérité. And help us to know the truth, so that the truth that we know will not kick out the lies of Satan. Und hilft uns, die Wahrheit zu kennen, damit die Wahrheit, die wir dann kennen, die Lügen des Satans verscheucht. Et il nous aide à comprendre la vérité pour que cette vérité détruit les mensonges du diable. He said we were once Gentiles. Verset 2. You see that. Verse 2. Heiden, steht in Vers 2. Verset 2 nous dit qu'on était, nous étions encore des païens. Carried away unto these doomed idols, even as you were led. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 3. Verset 3. Wherefore I give you to understand that no man speaketh by the Spirit of God, calleth Jesus accursed. And that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that without Christ, without the Holy Ghost, you cannot know Jesus. Ihr seht, ohne den Heiligen Geist können wir Jesus nicht kennen. Et ça montre que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas connaître Jésus-Christ. He said, through the power of the Holy Ghost, we know that Jesus is the Lord. Durch die Kraft des Heiligen Geistes wissen wir, dass Jesus Herr ist. À travers la force du Saint-Esprit, on peut savoir que Jésus-Christ est le Seigneur. And if I saw, he said, now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. Verset 4. Verse 5. 5. And there are differences of administration, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Amen. Amen. Verse 7. Set. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Verse 8. Wait. For to one is given by the Spirit the word of wisdom. To another, the word of knowledge by the same Spirit. To another, faith By the same spirit. Can you see? You see different gifts of the spirit. Les verschiedenen Gaben des Geistes. On voit les dons différents de l'esprit. They are the gift of the Holy Spirit. Das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Ce sont les dons du Saint-Esprit. If the Holy Spirit comes into your life, he comes with all his gifts. Wenn der Heilige Geist dein Leben kommt, kommt er mit all seinen Gaben. Et si le Saint-Esprit vient dans ta vie, il vient avec ses dons. His gifts are his properties. Seine Gaben sind sein Besitz. Ses dons sont ses biens. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. He said to another, the gift of healing by the same Spirit. To another, the working of miracles. To another, the gift of healing by the same Spirit. Now verse 10. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the signing of gifts. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Let me go to that of prophecy. Prophecy is not about vision. Die Prophezeiung, von der hier gesprochen wird, it's about the message, like I'm preaching now. Nicht um irgendwelche Vision, sondern es geht um die Botschaft, genauso wie die Botschaft, die ich jetzt hier verkündige. Et le mot prophétiser dans verset 10, là, il ne s'agit pas d'avoir des visions, mais il s'agit de prêcher la vérité, le message de Jésus-Christ. The old prophecy is not the same as the new prophecy. Die alte Prophezeiung ist nicht so wie die neue Prophezeiung. Et l'ancienne prophétie, c'est pas comparable avec le nouveau prophétie. We now prophesy the finished work of Christ. Wir prophezeien jetzt über das fertige Werk von Christus. Et maintenant on parle de l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. It is no longer prophesying what is going to happen to man or what has happened to man. It is now prophesying Christ. Christ is our today and is our future. Es ist nicht mehr das Prophezeien, was Menschen geschieht, sondern das Prophezeien, was Christus ist. Denn Christus ist unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Amen. Et dans la nouvelle prophétie, il s'agit pas de parler du passé mais de l'avenir des gens, mais tu vas parler de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Then again to another, the signing of spirits. To know the different spirit that is operating. Und einem anderen die Geister zu unterscheiden, zu erkennen, welcher Geist gerade wirkt. Et verset 10 nous dit que à un autre il est donné de distinguer entre les esprits. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. Then to another diverse kinds of tongues. To another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the self same spirit. Divided to every man severally as he will. It is, you know, all these gifts are his properties. All diese Gaben sind sein Besitz. Et tous ces dons, ce sont ses biens. Praise the Lord. Hallelujah. And Satan once possessed all these properties. Und der Satan, besaß mal all diesen Besitz besaß er mal. Et puis le diable a aussi possédé tous ses biens. Amen. Amen. He still have them, but they are no longer the same. Und hat es immer noch, aber es ist nicht mehr gleich. Et puis là aussi, il a toujours ses biens, mais c'est plus la même. Lucifer was created. Lucifer wurde erschaffen. Lucifer a été créé. And you know, Judas was chosen. Weil Judas war auserwählt. Mais Judas a été choisi. Praise the Lord. Amen. Again, Lucifer once had all the perfect gifts. Lucifer hatte einst die vollkommene Gabe. Mais Lucifer avait aussi tous les dons parfaits. He still have them, but they are no longer perfect. Er hat sie heute immer noch, aber sie sind nicht mehr vollkommen. Il les a toujours, mais ils sont plus parfaits. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Without the Holy Spirit, the gifts you have and they are not perfect gifts. Ohne den Heiligen Geist ist die Gabe, die du hast, nicht keine vollkommene Gabe. Et sans le Saint-Esprit, tous les dons que tu as, ils ne sont pas parfaits. Again, God created Lucifer. Gott hat Lucifer erschaffen. Dieu a créé Lucifer. And Judas was chosen. Aber Judas wurde auserwählt. Et Judas a été élu. They both fell. Sie sind beide gefallen. Tous les deux sont tombés. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. That you know that Satan was cast out of heaven. Does not mean that God did not create him. Dass Satan gefallen ist aus dem Himmel heißt nicht, dass dass er nicht von Gott erschaffen war. Et seulement parce que le diable est, a été chassé du ciel, ça veut dire pas que Dieu n'a pas créé Lucifer. Also Judas, that he fell, does not mean he betrayed Jesus, does not mean he was not chosen. Und genauso wie Judas, nur weil er auserwählt war, hieß nicht, dass er nicht fallen konnte. Dass er auserwählt war. Ach so, oder dass er auserwählt war, genau. Seulement parce que le, Judas a été tombé, ça veut dire pas qu'il n'a pas été élu par Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also that they are created, or let me say they were created and called and blessed by God. Does not mean they were saved. Und dass sie erschaffen, berufen und gesegnet worden sind von Gott. Heißt auch nicht, dass sie, dass sie errettet sind. Et seulement parce qu'ils ont été créés, appelés et puis bénis par Dieu, ça ne veut dire pas qu'ils ont été aussi sauvés. Look, if you look at Ishmael and the mother, they were both blessed by God. Wenn wir uns Ishmael und seine Mutter Hagar anschauen, sie wurden beide gesegnet von Gott. Et même si on voit l'histoire d'Agar et d'Ismaël, on peut voir qu'ils ont été bénis par Dieu mais n'étaient pas sauvés. But that does not mean they are saved. Das heißt nicht, dass sie errettet sind. Mais ça ne veut dire pas qu'ils sont sauvés. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Salvation is something different. Errettung ist etwas anderes. Le salut est quelque chose d'autre. The Jews, they were blessed. Die Juden waren gesegnet. Les Juifs étaient bénis. You know, they have been blessed. And that natural blessing is following them everywhere. But that does not mean they are saved. Dieser natürliche Segen folgt ihnen überall hin, aber es heißt nicht, dass sie nicht errettet sind. Cette bénédiction naturelle, ça les suit partout, mais le problème est, ça ne veut dire pas qu'ils sont sauvés. Praise the Lord. Amen. Remember, the gift and the calling of God is without repentance. Erinnert euch daran, dass die Gaben und die Berufung des Herrn unwiderruflich sind. On peut voir que les biens, non les dons et les bénédictions de Dieu sont sans repentance. Donc ça veut dire que Dieu va plus enlever ça de ta vie. Amen. For the gift and calling of God are without repentance. Vraiment. 11:29. Romains 11, verset 29. In another word, the gift and the calling of God, they are irrevocable. Amen. Amen. Once God bless you, never take it away from you. Wenn Gott segnet, nimmt er dir das nicht mehr weg. Je vais lire verset 29, car les dons de la grâce et la paix de Dieu sont irrévocable. Donc ça montre que quand Dieu te bénisse, il va pas voler ça de toi, retirer ça. He does not withdraw what he has given to man. Er zieht das, was er den Menschen gegeben hat, nicht wieder ein. Amen. Er retire pas ce qu'il a donné à l'homme. Or what he has given to the angels. Ou ce qu'il a donné aux anges. Ou ce qu'il a donné les anges. Lucifer was once one of his angels. Lucifer war einst einer seiner Engel. Et Lucifer a été un ange de Dieu. His gift and his calling can never be withdrawn. Aber seine Gaben und seine Berufung kann nicht wieder rückgängig gemacht werden. Et comme verset 29 dit, ses dons et sa grâce sont irrévocables. But they can be polluted. Aber sie können verunreinigt werden. Mais ils peuvent être pollués. Don't allow Satan to pollute the gifts the Holy Spirit has given you. Lass nicht zu, dass der Satan das die Gabe, die der Herr dir gegeben hat, verunreinigt. Et ne autorise pas que le diable pollue les dons que Dieu t'a donné. The Lord can give you children, and these children, Satan will pollute them. Der Herr kann dir Kinder geben, aber der Satan verunreinigt diese Kinder. Et Dieu peut te donner des enfants, mais le diable peut polluer tes enfants. The Lord can give you money, and Satan will use the money to, you know, to fight God. Genauso kann der Satan dir auch Gott dir Geld geben, und der Satan nutzt dieses Geld, um dich zu zerstören. Et ça peut aussi arriver que Dieu te donne l'argent et le diable utilise cet argent pour te détruire. He can give you, you know, God can give you money and Satan will use it for his own purpose. Gott kann dir Geld geben, aber der Satan nutzt es für seinen Zweck. Et Dieu aussi peut te donner l'argent, mais le diable utilise ça pour sa propre mission. Whatever the Lord gives you, use it for his own purpose. Was immer der Herr dir gibt, nutze es für seinen eigenen Zweck. Amen. Für seinen Zweck. Amen. Amen. Amen. Et, that, okay. Et tout ce que Dieu te donne, tu dois laisser que tu, tu utilises ça pour le but de Dieu. You know that he gives you something does not mean Satan cannot use it. Nur weil er dir etwas gibt, heißt nicht, dass der Satan das nicht nutzen kann. Seulement parce que Dieu te donne quelque chose, ça ne veut dire pas que le diable peut pas utiliser ça. And that's why when the Lord is blessing you, he does not threaten Satan. Wenn der Herr euch you know that he can still use them. Wenn der Herr dich segnet, are you getting it? Droht den Satan nicht, weil der Satan weiß, dass er diesen Segen noch gegen dich verwenden kann. Et seulement parce que Dieu te donne quelque chose, le diable ne va pas être intimidé à cause de ça. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Even when the Lord, you know, the Lord correct us. If you don't take, if you don't listen to the Lord and do it his way, Satan will use even that correction, even that, you know, warning. He can warn us. The Lord can warn us. Like Genesis. Let's go to Genesis. Warnen. Genesis 2. On va lire Genèse 2. You know, the Lord can warn us. And you know, through that warning, Satan will use it to, you know, to achieve his own purpose. Der Herr kann uns warnen, aber der Satan kann das nutzen, um seinen eigenen Zweck zu verbringen. Et par exemple, Dieu aussi peut, par exemple, t'adverser. Look at Genesis 2. Et le diable peut utiliser ça pour son propre but. Praise the Lord. Amen. From verse 16. Genèse 2, verset 16. It says, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. It is the Lord that is speaking here. Das ist der Herr, der hier spricht. And he's speaking to Adam. Und er spricht zu Adam. Amen. Verset 16, on voit que Dieu qui parle, puis il parle à Adam. That the Lord speak to you or speak through you does not mean Satan cannot destroy you. Nur weil der Herr zu dir spricht, oder durch dich spricht, heißt nicht, dass der Satan dich nicht zerstören kann. Et seulement parce que le diable, Dieu parle à toi et puis il parle à travers de toi, ça ne veut dire pas que le diable ne peut pas te détruire. Are you getting it? That the Lord speak to you and speak through you does not mean Satan cannot fight you or cannot still kill and destroy you. Ja, dass der Herr zu dir spricht oder durch dich spricht, heißt nicht, dass der Satan dich nicht zerstören kann. Et seulement parce que Dieu parle à travers de toi, ça ne veut dire pas que le diable peut voler, détruire et voler à travers de toi, ou bien aussi détruire en général ta vie. Amen. Amen. Then verse 17 says, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Can you see? The Lord is giving them law here. Something, a commandment. Ein Gebot. Et dans verset 17, on voit que Dieu donne à Adam un commandement. He's warning them against something. Er warnt sie vor etwas. Il est en train d'adverser Adam de quelque chose. He's telling them what can kill them. Er erzählt ihnen, was sie töten kann. Et puis, il les informe qu'est-ce qui peut les tuer. And here, if you read it, you can see that the Lord is introducing death to Adam. Und hier stellt der Herr dem Adam den Tod vor. Et puis Dieu est en train d'introduire Adam la mort. Is somebody getting it? Amen. And he said, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Thou shalt surely die mean I will make sure you die. Ich werde sicherstellen, dass du stirbst, sobald du mich missachtest. Et dans verset 17, Dieu dit à Adam que lui-même il va causer la mort à Adam quand il dès qu'il désobéit à Dieu. It's not Satan that is speaking here, but the true God. Es ist nicht der Satan, der hier spricht, sondern der wahrhaftige Gott, der hier spricht. Et c'est pas le diable qui parle, mais c'est le vrai Dieu qui parle. That said, I will make sure you die. Der sagt, ich werde sicherstellen, dass du stirbst. I will kill you. Werde dich töten. Il dit ici qu'il va faire tout pour qu'il mourra. You can see the warning. And you know, Satan was not even threatened by this warning. He knows that he can still use that whatever the Lord gives to man, he can use it against man. Was immer der, was der Satan, was immer der Herr den Kindern Gottes gibt, der kann das gegen die Kinder Gottes verwenden. Et tout ce que Dieu donne à ses enfants, c'est ça aussi ce que le diable peut utiliser contre les enfants de Dieu. It's supposed to be a blessing for man. Es sollte ein Segen sein für die Menschen. Normalement, ça doit être une bénédiction. If somebody gets in it. But Satan will take it and use it for his own purpose. Aber der Satan nutzt es für seinen eigenen Zweck. Mais le diable, il prend ces choses-là puis il utilise ça pour ses propres buts. Amen. Amen. Satan will come and deceive you. And once you disobey God, he will go to God that you must kill them because they disobey you. Und it's the accuser of the brethren. Nachdem er dann verführt before hat, the true God, he accused the brethren before the true God. That's how he accuses you. He will make sure you disobey him so that he will go to him and say, you must kill them. That is your word. You said it that you must kill them if they disobey you. Er sorgt erstmal dafür, dass er verführt dich erstmal und sorgt dafür, dass du den Herrn missachtest. Und wenn du das dann getan hast, dann verurteilt er dich vor Gott. Und stellt sicher, dass du für deine Taten sozusagen bestraft wirst, wie hier in diesem Fall, dass der Mensch tot dann ist. Et le système du diable est que d'abord il te pousse à désobéir Dieu. Après, quand il t'a poussé à le faire, il va maintenant aller vers Dieu pour t'accuser et puis même t'accuser toi-même aussi. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est impossible qu'il retire sa parole. He knows that man cannot keep to their words. Er weiß, dass der Mensch sein Wort nicht halten kann. Parce que le diable sait que l'homme ne peut pas tenir à ses paroles. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You better allow us, you know, have John just be thanking the Lord for Jesus. Danke dem Herrn für Jesus. Et tu dois remercier Dieu pour Jésus-Christ. He said, no one is good. Niemand ist gut. Personne est bien. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Don't allow Satan to pollute the gift the Holy Ghost has given you. Lass nicht zu, dass der Satan die Gaben verunreinigt, die der Heilige Geist dir gegeben hat. Et n'autorise pas que le diable pollue les dons que le Saint-Esprit t'a donné. Praise the Lord. Hallelujah. Because he can pollute them. Denn er kann sie verunreinigen. Parce qu'il peut tout polluer. Amen. Mm-hmm. Once he pollutes them, he will, you know, those things become his properties. Wenn er sie verunreinigt, werden diese Sachen zu seinem Besitz. Parce que quand il pollue ces choses deviennent ses propres biens. You can be one savior, and if your attention is not Christ, he can turn everything against you. Now be seeing something another way. Du kannst errettet sein, auf einmal fängst du an, Dinge anders zu sehen. Et peut arriver que d'abord tu es sauvé, mais après tu commences à voir les choses différemment. Once you are polluted, you will be seeing things, but seeing them differently, different from what the Holy Spirit wants you to see. Wenn du verunreinigt wirst oder bist, dann wirst du Dinge anders sehen als der Heilige Geist. Dès que tu es pollué, tu vas commencer à voir des choses différentes comparé avec comment le Saint-Esprit le voit. Praise the Lord. Hallelujah. Satan also discerns spirits. Der Satan kann auch Geister unterscheiden. Et même le diable peut aussi discerner ou distinguer les esprits. Markus 5. Marc 5. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, he was once an angel. Erinnert euch, er war einst ein Engel. Rappelez-vous, il a été un ange. A powerful angel. Ein kraftvoller Engel. Ein ange puissant. An archangel. Ein Erzengel. Ein Archange. Amen. Amen. He had a lot of angels under him. Er hatte viele Engel unter sich. Sous lui, il avait beaucoup des anges. He was so powerful. Er war so kraftvoll. Il était puissant. Amen. Amen. Then he can even take decision on his own. Damals konnte er sogar. The archangels, they can take decision on their own. Entscheidungen selbst treffen. Die Erzengel können eigene Entscheidungen treffen. Et Lucifer a pu prendre ses propres décisions. Et puis tous les archanges sont capables à prendre des décisions eux-mêmes. There are only three. Amen. Drei. They were only three. Sie waren drei. Ils ont été trois archanges. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Mark 5. Markus 5. Mark 5. Let us see. You know, here you can see Satan designed a spirit. Hier sehen wir, wie der Satan einen Geist unterscheidet. Mark 5. Markus 5. Dans Mark 5, on peut voir comment le diable est en train de distinguer les esprits. Let's read, because of time, we still have a lot to go through. Look at from verse 6. He said that six, when, six. He's talking about the legion here. Amen. He said that when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Can you see? He was able to see that this man, he was not, it was not the body, but the spirit. Es war nicht der Körper, sondern der Geist. Et dans verset 6, on peut voir que c'était pas le corps ou bien la chair qui louait Jésus-Christ, mais c'était l'esprit. And the body, you know, Jesus was not different from his disciples. Körperlich gesehen war Jesus nicht anders als seine Jünger. Dans la chair, Jésus-Christ n'était pas différent comparé avec disciples. You know how you know that? You know when they went to during the time of crucifixion, they went to arrest him. You know, those that went to meet him, they were asking, who among you is Jesus? They were asking, who among them? Because outside, you cannot even see the difference between himself and the disciples. Und der Grund, weshalb wir sehen, dass er so wie seine Jünger physisch ausgesehen, also war, physisch gesehen, war, dass als sie ihn verhaften wollten, und Judas, die Römer, die Soldaten dahin gebracht haben, zu der Ecke, wo die ganzen Jünger halt waren, haben sie ihn halt gefragt, wer von denen ist denn halt der Jesus, den wir hier halt festnehmen sollen? Und er musste halt auf jemanden zeigen, weil alle halt einfach sich ähnlich von außen gleich aussahen. Da war niemand, der eine Krone auf dem Kopf hatte oder dick und korpulent und groß und stark aussah, wo man direkt hätte sagen können, das ist Jesus. Und alle waren fleischig gesehen gleich von der Statur. Et la raison pour laquelle on peut voir que Jésus-Christ n'a pas été différent dans la chair avec comparé avec ses disciples est parce que avant qu'on a arrêté Jésus-Christ avant qu'il soit crucifié, on peut voir que les soldats ont demandé qui entre vous est Jésus-Christ, et on peut voir que Jésus-Christ, alors dans son apparence, il ne portait pas quelque chose puissant qui montrait qu'il est vraiment Dieu. Mais les soldats ont été confus parce qu'ils ne comprenaient pas qui entre parmi les gens a été Jésus-Christ. So that you will understand it better, let us read from verse 2. Amen. He said that when he was come out of the ship. Mark 5, verset 2. Immediately there met him out of the tomb, a man with unclean spirit. You get something. A man with unclean spirit. Ein Mensch mit einem unreinen Geist. Un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais. Remember, the natural people could not know him. Yeah, when they sent, you know, when they went to arrest him, amen, to take him, to crucify him, they could not know who he was. They were asking, which among you? But this, you can see demon. Here, this spirit, a man with unclean spirit. Through the power of that spirit in him, he could see that this spiritual, it was spirit to spirit. Are you getting it? Ja, und hier dieser Typ, der von diesen Dämonen gequält worden ist, die Dämonen in ihm haben den Geist Gottes erkannten, Jesus. Aber fleischliche Menschen aus fleischigem Mut, sie erkennen halt nicht den Sohn Gottes, wenn er vor ihnen steht. On peut voir par exemple que les soldats qui ont arrêté Jésus-Christ avant qu'il soit crucifié, ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme Dieu. Mais ici dans Marc 5, verset 2, on peut voir que l'homme qui avait des esprits impurs, c'est lui qui commençait à glorifier Jésus-Christ, puis il a reconnu Jésus-Christ, mais parce que c'était entre esprit et esprit. This man was really possessed with a lot of demons. Dieser Mann war wirklich besessen von vielen Dämonen. Et cet homme dans cette histoire, il a été possédé avec des esprits différents. Amen. Amen. He could no longer live in homes, but he was living in the mountain. Look at it from verse 3. Verset 3 maintenant. Who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no not with chains. Verse 4. Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains has been plucked asunder by him. and the fetters broken in pieces. Neither could any man tame him because of the powers of demons in him. Wegen den Dämonenkräften, die in ihn gewirkt haben, konnte ihn niemand bändigen. Et verset 4 nous dit ici que personne a été capable à tenir la personne qui a été possédée avec des démons parce qu'il a été possédé par les démons. Verse 5 said, and always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Praise the Lord. Halleluja. You can see that it is not about the body, it's about the spirit. Ihr seht, es geht schon um den Körper, sondern um den Geist. Donc dans verset 5 et 6, on voit, il ne s'agit pas du corps, mais de l'esprit. Amen. Amen. And cried with a loud voice and said, what shall I do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. Amen. Amen. Verse 8, for he had, for he said unto him, come out of the man, thou unclean spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us look at that of the damsel in Acts 16. Das mit der Magd, mit dem Wahrsagergeist. Et puis on va voir maintenant l'histoire de la jeune femme avec les démons dans Actes des Apôtres. That somebody tell you, I know you, I know your past, I know you, and you know it's no, it does not mean it's coming from Jesus. Nur weil jemand deine Vergangenheit weil jemand deine Vergangenheit kennt, heißt das nicht, dass er von Gott kommt, von Christus kommt. Ça montre aussi que seulement parce que quelqu'un connaît ton passé ou ton avenir, ça ne veut dire pas que cette personne est de Dieu. Amen. Amen. They can use even the outside can be the name of Jesus, but the inside is demons. They are all demons. Amen. Sie können sogar äußerlich den Namen von Jesus Christus machen, aber das Innere ist der Satan. Et l'extérieur peut être Jésus-Christ, mais l'intérieur est le diable lui-même. And that's why we go more than outside. We see more than outside. We see the inside. Deswegen sehen wir mehr als das Äußere. Wir sehen das Innere. Et c'est pourquoi on voit plus que l'extérieur, on voit l'intérieur plus que. Apostelgeschichte 16. Actes des Apôtres 16. From verse 16. Verset 16. To 19, please. And it came to pass, as he went to prayer, and a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her masters much gain by soothsaying. Amen. Amen. You know, that's what people desire today. Das ist das, was Leute sich wünschen, suchen, Wahrsager. Dans verset 16, on voit que les gens cherchent des personnes avec des esprits de divination et des prédictions. Does any good thing ever come from Satan? Aber kommt jemals etwas Gutes vom Satan? Et peut quelque chose du bien venir du diable? Amen. Amen. Verse 17. 17. He said, the same followed Paul and us, and cried, saying, this man are the servant of the Most High God. We show unto us the way of salvation. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You can see through the power of demons, this woman is the discerning spirit. Durch die Kraft der Dämonen konnte diese Frau Geister unterscheiden. Et à travers des démons, cette femme a été capable à discerner les esprits. Amen. Amen. And this did she many days, but Paul being grieved, turned and said unto the spirit. 18. You see it? Not unto the girl, but unto the spirit. Hat nicht zum Mädchen gesprochen, sondern zum Geist in dem Mädchen. Et ici, dans verset 18, on voit que Paul maintenant a parlé à l'esprit et pas à cette fille. You can see that it's not about this girl, it's about the spirit. Das ging nicht um das Mädchen, sondern um den Geist in dem Mädchen. That dwell in her. Donc ça montre qu'il ne s'agit pas de cette fille, mais il s'agit de cet esprit qui a été en elle. And that's why it's not about me, it's about the spirit of Christ that dwells in me. Are you getting it? Donc il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de l'esprit de Jésus-Christ qui vit en moi. And that's why once it comes to spiritual world, there's no male, there's no female. Et c'est pourquoi quand il s'agit du monde spirituel, il ne s'agit plus du... Praise the Lord. Amen. I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came up the same hour. Amen. Amen. And when her master saw that the hope of their gains was gone, they called Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers. 19. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Look at verse 18. Verset 18. Again, amen. Here, Paul designed the spirit in this girl. Paulus hat den Geist in dieser Frau unterschieden. This girl designed the spirit inside Paul. And this Paul also designed the spirit that is inside this damsel. Can you see it here? Aber dieses Mädchen hat den Geist von Paulus erkannt, aber Paulus hat ihren Geist erkannt. La fille a reconnu l'esprit qui était entre Paul, en Paul, et puis Paul a reconnu l'esprit qui travaillait dans la fille. I hope you understand what I'm saying. Mm-hmm. Look at it again, I will read. And this did she many days, but Paul being grieved, turned and said unto to the spirit. He was able to see the spirit that this is not Christ. The signing of spirit. Er war in der Lage zu sehen, dass dieser Geist ist nicht von Jesus. Er muss ihn in Ruhe stellen. Paul était capable à comprendre que l'esprit qui parlait à travers de la fille, c'était pas de Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. He knew the spirit that was speaking through her. Er kannte den Geist, der durch sie gesprochen hat. Il a connu l'esprit qui parlait à travers la femme. Those the words that this girl was saying, they were coming out from this girl, they were not bad. Obwohl die Worte, die dieses Mädchen gesprochen hat, nicht schlimm waren. Bien que les paroles de cette femme n'ont pas été mauvaises. Look at what was coming out from the girl. He said, verse 17. Verset 17 encore. He says, the same follow Paul and us, and Christ saying, these men are the servant of the Most High God. We show unto us the way of salvation. You know what they were saying? What was coming out from this damsel was nothing bad. Was von den Mädchen raus? Naturally. Even religious people, we love that. War religiös gesehen. Tell the world that we are from Jesus. Sag den Leuten, dass we are from Jesus the true God. Sind. How do you get it? Et dans verset 17, si on lit ça par exemple, on peut voir que l'homme naturel et surtout les gens religieux, ils pouvaient aussi aimer ces paroles de cette femme parce que ça glorifie aussi quelque part Paul et puis ses disciples. Are you getting something here? Those words from her, from this lady, from this girl were not bad. You know, you don't take anything from Satan. Aber dennoch nehmen wir nichts vom Satan. No matter how good they are. Egal wie gut es sich anhört. He's a liar. And the father of lies. Und der Vater der Lügen. Et les paroles de la femme n'étaient pas mauvaises, mais on doit vraiment dire que tu peux jamais prendre quelque chose du bien du diable. Tu dois rejeter tout qui vient du diable, n'importe comment si c'est bien. Praise the Lord. Amen. You know, today's pastor, they will be proud of this lady. They will want to hear her from the masters and say, let her follow us. Die heutigen Pastoren wären stolz auf dieses Mädchen und würden mit ihr direkt eine Testimony Night veranstalten oder Gospel. Every channel, television houses, they will take them. They will bring her out and say to speak. Let the whole world hear you. Oder Gospelsänger würden direkt mit ihren Feature machen und sagen, seht ihr, auch die Welt kann Jesus Christus bezeugen. Guck mal, was unsere Musik gemacht hat. Dass selbst der Satan Jesus bekennt, aber das ist alles fleischlich. Et les pasteurs ou les musiciens de nos jours, tous ces gens-là religieux, peut-être il y a beaucoup de gens qui veulent même prendre cette femme puis qu'elle soit une personne très proche pour proclamer maintenant et glorifier les pasteurs. Et puis ils voulaient faire même des compromis pour avoir un bon titre devant les gens. You know, Jesus never allowed Satan to testify of him. So also is Paul. Are you getting it? They never allow it, but today. Amen. Praise the Lord. Tell them that I am Christ, I'm from Christ. That's what they will do. Amen. Und Paulus oder Jesus haben niemals zugelassen, dass der Satan von ihnen Zeugnis gibt. Aber heute ist man stolz darauf, wenn irgendwelche Leute, die noch nicht mal wirklich wiedergeboren sind, irgendwelche netten Sachen über Jesus sagen. Man postet sich damit zu und postet das überall, weil man stolz darauf ist, anstatt mal den Geist hinter diesen Worten zu prüfen. Et Jésus-Christ, comme aussi Paul, tous les deux n'étaient jamais, ils n'étaient jamais d'accord avec que le diable témoigne, donne un témoignage sur Jésus-Christ, mais les pasteurs de nos jours sont toujours d'accord avec les témoignages des gens. Amen. Amen. You know, the demon that is testifying of Jesus, of the Spirit of God in Paul, he never submit to God. That demon, that spirit never submit to God, but he want to testify of God. Is somebody getting something? Dieser Dämon, der aus diesem Mädchen gesprochen hat, er hat zwar über Jesus nette Sachen gesagt, aber dennoch hat sich dieser Geist nicht dem Herrn untergeben. Et on peut voir que le démon qui parlait à travers la femme, et il était capable à glorifier Jésus-Christ à travers ses paroles, mais il n'était jamais capable à se soumettre vraiment à Dieu. Praise the Lord. Amen. Don't give anything to Satan and don't take anything from Satan. Gebe dem Satan kein nichts und nimm auch nichts von ihm an. Et ne donne rien au diable et ne prends rien aussi de lui. Don't allow Satan to sing your praise. Lass nicht zu, dass der Satan dein Lob Amen. Dich feiert. N'autorise pas que le diable te glorifie bien te loue. But tell them to repent. Aber sag ihnen, dass sie Buße tun sollen. Mais dis les gens là qui doivent se repentir. I've experienced it myself. Some people, you know, I know you preach the truth. I preach the truth, but you never have to submit to it. Und ich habe das Are you getting it? Oft schon it's just this, just this, this. You are not different from the demons that speak through them. Amen. Then yeah, you preach the truth. We know that you are preaching the truth. We know that this is the truth. We know it's so powerful. But why don't you, if you know, why don't you submit to it? Und ich habe das selber schon miterlebt, als ich zu Leuten geprägt habe, die das richtig gefeiert haben, das richtig toll fanden und immer gesagt haben, wir wissen, dass die Wahrheit ist und wir unterstützen dich da auch und wir finden das ganz nett und ganz cool, dass du das machst, aber wenn du das so toll findest und so faszinierend findest, wieso ergibst du dich, demütigst du dich nicht davon, nimmst du das auch an? I don't want to call names, I could have called names, amen? Wieso nimmst du das dann nicht auch an? I have a lot of names of people that have said, oh, you pretty good, your message is so good, the message is good, but you don't want it. Are you getting it? Mm-hmm. Just like it's not different from Satan. It's, you know, the spirit in this guy is praising Paul. He's praising, he's telling the word that Paul is from Christ. But that spirit is used to submit to Christ. Mm-hmm. Dieser Geist in diesem Mädchen sagt, dass Paulus zum wahrhaftigen Gott gehört. Aber dieser Geist in diesem Mädchen, das Mädchen selbst, will sich dem Herrn nicht untergeben. Et moi aussi, j'ai vécu beaucoup de situations comme Paul aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, tes messages, la façon comme tu prêches, tout ce que tu dis, c'est vraiment la vérité. Mais ce sont les mêmes gens qui refusent à se soumettre au Saint-Esprit. Et ils ne sont pas différents avec les démons qui glorifient Jésus-Christ avec les paroles, mais ne se soumettent pas à Jésus-Christ. Amen. Another example, Acts 19. Apostelgeschichte 19. Acts 19. From 13 to 20. Acts 19. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said then, certain of the vagabond Jews, exorcists, took upon them to call over them which had evil spirit, the name of the Lord Jesus, saying, we adore you by Jesus whom Paul preached. Somebody wanted to borrow Jesus from Paul. Jemand wollte sich Salvation is personal. Ausleihen von Paulus. Amen. Aber Errettung ist persönlich. Amen. Amen. Verset 13, on voit qu'il y avait des Juifs qui voulaient louer le nom de Jésus-Christ, mais le salut est personnel. It's not the other that my friend believe, but do you believe? Es ist nicht, sich darauf auszuruhen, dass deine Freunde, dass deine engsten Freunde glauben, aber glaubst du? Et puis, il s'agit pas de dire que bon, mes amis croient, mais la question est, est-ce que toi-même tu crois? My husband believes so much. He believes Jesus, but do you? What about you? Do you believe? Mein Ehemann glaubt so krass. Or my wife? Oder meine Ehefrau glaubt richtig stark, sie ist sogar Pastorin, aber was ist mit dir? Et tu peux dire aussi, bon, mon mari, mais ma femme, il croit vraiment très, très fort. Mais la question est, est-ce que toi-même, tu crois? Verse 14. And there were several sons of this Shiva, a Jew, and chief of the priest, which did so. And the evil spirit, verse 15, this time, please. Are you there, please? Verse 15. And this evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? Mm. Praise the Lord. Amen. Demons know you. They know Jesus. They know Jesus. Et les démons, ils te connaissent, ils connaissent toi, ils connaissent aussi Jésus-Christ. It's not just speaking. It's more than words. C'est nicht nur sprechen, c'est mehr als Worte. Amen. Et c'est pas seulement que tu parles, mais c'est que tu agis. You know, these people were speaking like Paul. Diese Leute haben but the demon said, I know Jesus, I know Paul, but who are you? Aber dennoch haben diese Geister gesagt, ich kenne Paulus und ich kenne Jesus, aber wer bist du? Wer seid ihr? Et il ne s'agit pas seulement de nos paroles, parce que même les démons ont été capables à discerner l'esprit, les esprits qui travaillaient à travers les Juifs. Ils ont dit que Jésus, je connais Paul, je connais, mais qui es-tu? I know their spirit. I know the spirit of their mind. But who are you? Ich kenne den Geist ihrer Seele, wer bist du? Les démons disent, je connais les esprits de leurs pensées, mais toi, tu es qui? I know that they are light. But who are you? Ich weiß, dass sie Licht sind, aber wer bist du? Je sais qu'ils sont dans la lumière, mais qui es-tu? Satan knows you. Der Satan kennt dich. Le diable te connaît. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Verse 16. And the man in whom this evil spirit was leaped on again, and the man in whom this evil spirit was leaped on them and overcame them and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. Hey, evil spirit started pursuing them. Der böse Geist fing an, sie zu jagen. Instead of them to be running away from them, from him, or from them. Statt dass der böse Geist ausgefahren wird. Et on voit que les esprits qui les Juifs voulaient, ils voulaient chasser l'esprit de cet homme-là, mais les démons de cet homme ont commencé And this was known. Ils ont commencé à combattre les Juifs, pardon. Amen. Mm-hmm. And this was known to all the Jews and Greeks also dwelling in Ephesus. And fear fell on them all. And the name of the Lord was magnified. Verse 18. And many that believed came and confessed and showed their deeds. 19. Many of them also, which used curious arts, brought their books together and burned them before all men. And they counted the price of them and found it 50,000 pieces of silver. So mightily grew the word of God and prevailed. Praise the Lord. Amen. Amen. Bien de lire 19 jusqu'à 20. All the gift of the Spirit, there is none Satan cannot operate on. None of them. All die Gaben des Geistes gibt keinen, von denen der Satan nicht auch arbeiten kann. Et tous les dons du Saint-Esprit, le diable peut aussi imiter. Amen. Amen. Again, remember he was once in heaven. Er war einst im Himmel. Rappelez-vous qu'il a été au ciel. He have and known all the gifts. Er hatte und kennt also die Gaben. Il avait et puis il connaissait aussi tous les dons. And he still know and have them. He still have them and know them. Und er kennt sie und hat sie immer noch. Et jusqu'aujourd'hui, il connaît, puis il a ces dons-là. But he used them in his own evil ways. Aber er nutzt sie auf seine eigene bösartige Weise. Mais il utilise dans ses propres, dans sa propre façon, qui est mauvais. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Satan was once full of wisdom. He's still full of wisdom, but the wisdom of this world. Ist voll von Weisheit, aber der Weisheit dieser Welt. Le diable est plein de la sagesse, mais de la sagesse de ce monde. Let's go to Ezekiel 28. Ezekiel 28. Ezekiel 28. Ezekiel 28. And let us see a little bit of Satan when he was Lucifer. Möchte uns etwas von dem Satan anschauen, als er noch Lucifer war. Ici on peut voir l'histoire du diable quand il était encore Lucifer. Praise the Lord. Alléluia. From verse 12. Ezekiel 28, 12. I hope you read it. Ezekiel 28, verse 12. We haven't it at some work the other time. I don't know, but I gave it to you. I said you should read it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. He said, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyros, and say unto him, Thus said the Lord God, Thus select up the son, full of wisdom and perfect in beauty. He's talking about Satan. He was once full of wisdom, he's still full of wisdom. Er war and perfect in beauty. Voll von so Weisheit beautiful. Und vollkommener Schönheit. Er war wunderschön. On peut voir ici dans verset 12 que le diable avait une grande sagesse et puis il avait une beauté parfaite. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In verse 14, verse 13, he said, "Thou hast been in Eden, 13. The garden of God." The Eden here means the presence of the Lord. Eden, it does not mean garden. It does not mean a garden. It means the presence of the Lord. It's Gegenwart Eden. Gottes. Heißt Eden. We are always in Eden. Wir sind immer in Eden. Amen. Because we are always in the presence of the Lord. Amen. Wir sind immer in der Gegenwart des Herrn. Amen. Et dans verset 13, on voit aussi le terme Eden. Et puis, il ne s'agit pas du jardin qu'on connaît de Genèse, mais Eden est la présence de Dieu. Et puis, nous tous, nous sommes toujours en Eden. Praise the Lord. Amen. Then every precious stone was your covering. The sardius, topaz, and the diamond, the berry, the arsenic, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tablet and of the pipes was prepared in thee in the day that thou was created. The day he was created, can you see what the Lord loaded him with? Seht ihr, womit der Herr ihn gefüllt hat? Somebody got in it. Ici dans verset 13, on peut voir la bénédiction de Lucifer. Amen. Amen. He was not just an ordinary angel. Er war nicht nur ein gewöhnlicher Engel. Mighty indeed. Er war kraftvoll. Il n'était pas un archange ordinaire, mais vraiment un archange précieux. In verse 14, it says he was anointed. 14 steht, dass er gesalbt war. Et verset 14, on dit qu'il a été un. He said, "Thou art the anointed cherub, anointed. God anointed, Almighty God anointed him." Allmächtiger Gott hat ihn gesalbt. But that did not prevent him from falling. Aber dennoch ist er gefallen. Et Dieu a donné l'onction à Lucifer, mais ça ne veut dire pas qu'il ne pouvait pas tomber. Amen. Amen. "Thou art the anointed cherub that covereth, and I have said thee so. Thou art upon the holy mountain of God, that hast walked up and down in the midst of the stones of fire." Verse 15. Verse 15. "Thou art perfect." He was once perfect. Er war einst vollkommen. Il a été perfect. Praise the Lord. Hallelujah. Just like Adam was once perfect. So wie Adam einst vollkommen war. Comme Adam a été parfait. That you are perfect today does not mean you will not fall tomorrow. Dass du vollkommen bist heute, heißt nicht, dass du morgen nicht fällst. We have to be careful. Amen. C'est même parce que tu es parfait aujourd'hui, ça ne veut dire pas que tu vas tomber demain. On doit faire vraiment attention. Praise the Lord. Hallelujah. Thou art perfect in your ways from the day that thou art created. Amen. Till iniquity was found in thee. Praise the Lord. Amen. Amen. By the multitude of your merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore, I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Verse 17. Verse 17. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You better hate self. Hast du das selbst? Amen. Tu dois haïr le soi. Amen. Amen. Verse 17 said, your hair was lifted up because of your beauty. Can you see it? The hairs corrupt your wisdom by reason of thy brightness. His wisdom was corrupt, is now corrupt, that no longer perfect. It was no longer the perfect wisdom of God that God gave him. Seine Weisheit wurde verdorben. Das ist nicht mehr die vollkommene Weisheit, war, die ihn Gott gegeben hat. Et sa, la sagesse du Lucifer a été pervertie. C'est ça pourquoi c'était plus la sagesse parfaite de Dieu. Amen. Amen. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Verse 18. Thou hast defiled your sanctuary. He polluted, not only he was polluted, and he did not pollute on himself alone, he polluted all the other angels that were under him. That's verse 18. Il n'a pas seulement perverti ou pollué lui-même, il a aussi pollué les autres anges qui ont été sous lui. Can you see it? Why husband and wife go together? Bitte, weshalb Ehemann und Ehefrau zusammengehen? And the children, die Kinder einzeln. Are you getting it? Except if they are able to choose Christ individually. Sein, wenn sie in der Lage sind, in individuell gesehen sich für den Herrn zu entscheiden. Aber wenn einer entscheidet, entscheidet er für alle mit. Et c'est pourquoi on voit aussi dans un mariage que quand une personne prend une décision, ça va influencer toute la famille. Et c'est pourquoi aussi on dit que quand quelqu'un tombe dans son mariage, c'est toute la famille qui tombe, sauf cette personne, c'est choisi Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. Beware of the spirit of self. Nämlich den Acht für den Geist von selbst. Es ist très attention de l'esprit du soi. Amen. Amen. Beware of it. Hate it. Faites très attention et détestez cet esprit. Praise the Lord. Hallelujah. Let us also go to Isaiah 14. Isaiah 14. Isaiah 14. Isaiah 14. Isaiah 14, verse 12. Isaiah 14, verse 12. He said, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which doth weaken the nations? For thou hast said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the height of the clouds. I will be like the most high God. Can you see how many eyes Si on lit verset 12 à 15, on peut voir qu'il y a seulement le terme « je » dans ces versets. Praise the Lord. Amen. Once you are full of yourself, no amount of prayer, wisdom, anointment can save you. Wenn du voll von dir selbst bist, kann dich keine Masse an Gebet oder Salbung retten. I will. Et dès que tu es plein du soi, aucune prière ou bien aucune sagesse peut te sauver. And that's why today we allow it to be Christ's will. Everywhere is Christ. And not I. Geht es uns immer nur um Christus und um selbst. Et c'est pourquoi, à partir de pour nous, il s'agit seulement de la volonté de Jésus-Christ lui-même et pas de l'esprit de soi. Beware of the spirit of self. The spirit of self is what brought Satan down. Satan zu Fall gebracht. From heaven. Faisait très attention avec l'esprit de soi parce que cet esprit de soi a causé le diable Lucifer à tomber. If you are not seeing yourself, you know that design that spirit. You are to be able to design that spirit that this is the spirit of self. And hate it and say, no, this is not me. It is not me, it is Christ Jesus. I humble before Christ. It is Christ and no longer me. Ich demütige mich vor Christus. Geht um Christus, nicht um mich. Amen. Luke 14. Et dès que tu reconnais cet esprit de soi en toi, tu dois le rejeter puis dire non, ça appartient pas à moi parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Je vais me soumettre à Jésus-Christ. On va lire maintenant Luc 14. Praise the Lord. Amen. You can see the whole world today. It's always what about you? What about me? Just see yourself. Look at yourself. Don't care about what others are saying. But see yourself. Talk about it. We'll take off yourself. It is all about ish, I, everywhere. Heutzutage geht es immer nur um das Selbst. As was the spirit of self. Dir gut tut, was du für dich machen kannst, wie es dir besser geht, wo du den besten Vorteil ziehst, wie du dir einen Gefallen tust, wie du dir etwas Gutes tust. Es geht immer nur um dich. Et si par exemple on voit ce monde, on peut voir qu'il s'agit seulement du soi, parce que dans tout ce que tu fais, on va dire toujours fais ce que toi tu désires, fais ce que toi tu aimes, ou bien je vais faire seulement ce que moi je veux, ce que moi je désire, et c'est très dangereux. You will know them by the spirit of self. Tu vas les connaître durch diesen Geist von selbst. Et tu vas les connaître à travers l'esprit du soi. Amen. Anytime you see that, just say, Satan, I hate you. Satan, get behind me. Satan, weiche von mir. Et quand tu vois cet esprit, tu dois dire, Satan, arrière de moi, tu dois le détester. Amen. You know, they come at the television. There's nothing I cannot do if I focus on myself. It's just completely evil. Are you getting it? They call them evil. Call it evil. Say, Satan, get behind me. This is not Christ at all. Dass sie sich alles vornehmen können, alles schaffen können, wenn sie sich einfach auch nur auf sich selbst fokussieren und nicht nach links, nach rechts gucken. Aber wir müssen das erkennen und das Böse nennen. Et dans la télévision, on voit comment les gens disent que je ne pouvais pas arriver si loin, si je ne voulais pas me mettre dans la première position, si je voulais pas me mettre en première. Et c'est là où on doit vraiment dire aussi clairement que c'est mauvais de se voir soi-même. Praise the Lord. Amen. Look at Luke 14, verse 26. Lucas 14, verse 26. Look at what Jesus said. He warned us against the spirit of self. Jesus hat uns vor dem Geist des Selbst gewarnt. Jésus-Christ nous a averti de l'esprit du soi. If any man is you and me. Jeder Mensch. Si quelqu'un, donc quelqu'un est toi et moi. Amen. Any man is talking about you. He's talking about me. Es geht um mich. Come to me and hate not his father. Why do you love your father? It's mostly because of you. Wieso liebst du deinen Vater? Weil es dein Vater ist, weil es um dich geht. Et pourquoi tu aimes ton père? C'est parce qu'il s'agit de toi, ton père, dans ton père naturel. And mother, and wife, and children. You know, people love their children. They value them more than even they value Christ. Sie lieben ihre Kinder und schätzen ihre Kinder sogar mehr wert als Christus. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient ses enfants plus que même Jésus-Christ. Amen. And brethren and sisters, yea, and his own life. And you yourself. also, he cannot be my disciple. He's talking about disciple yet, and not even son. Geht hier um die Jüngerschaft und nicht um die Sohnschaft. Et Jésus-Christ dit que quand on déteste pas sa vie, on ne peut pas être un disciple. Il ne parle pas d'un fils, même d'un disciple. Remember, son is greater than this disciple. Erinnert euch, die Sohnschaft ist größer als die Jüngerschaft. Et rappelez-vous qu'un fils est plus grand qu'un disciple. Amen. Amen. Again, Satan have all the gifts, but they are all polluted. Der Satan hat all diese Gaben, aber sie sind alle verunreinigt. Et le diable a tous les dons, mais ils sont tous pervertis. And that is one of the reasons why discerning of the spirit is very important in our lives today. To discern who is speaking, no matter how good they must sound. Deswegen ist die Unterscheidung der Geister sehr wichtig, zu erkennen, wer spricht, egal wie es sich anhört oder wer es ist. Et c'est pourquoi c'est très important d'avoir l'esprit de discernement parce que pour savoir qui parle à travers cette personne. Praise the Lord. 2 Corinthiens 11, verset 13. He said, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Are you getting it? Mm-hmm. We need the gifts, all the gifts. Please allow all the gifts to be functioning in your life. Lass zu, dass alle Gaben in deinem Leben funktionieren. Et tu dois vraiment laisser que tous les dons du Saint-Esprit travaillent dans ta vie. We are qualified to judge. Wir sind qualifiziert zu richten. Nous sommes qualifiés à juger. Discern the spirit. Unterscheide die Geister. Discerne les esprits. We just read that Paul and Silas. You can see they were able to discern the spirit of that guy. Though what that guy was saying was so good. Ihr seht, dass Paulus und Silas den Geist unter diesen Mädchen unterscheiden konnten, obwohl dieser Geist oberflächlich gute Sachen gesagt hat über Jesus oder über Paulus. Et on peut voir que Paul et Silas. Silas, genau. On peut voir que Paul et Silas étaient capables à discerner l'esprit qui parlait à travers cette femme. Amen. Amen. He said, again, for such, can you help us to read it, Felix? 14. Ja. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Amen. Amen. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. How? Oui. Comment, verset 14? How? By their words. Ihre Worte. Because, you know, we just read the place in Acts, the book of Acts. Yeah, you know, this, you can see Satan, his words are so good. It's like light. I don't know if you get it. They don't know the unclean spirit speaking through that guy, through the damn self. So good. It's as if it's something light. That you need the discerning of the spirit to know that this is Satan. Du brauchst die Unterscheidung der Geist, um zu erkennen, dass das der Satan ist. Und das muss es austreiben. Dans verset 14, on peut voir que Paul nous dit que même Satan est capable à se mettre comme un ange de la lumière. Et on peut voir que c'est possible à travers les paroles des gens. Même les paroles de la femme dans l'Acte des Apôtres, elle disait aussi des bonnes choses, mais c'était l'esprit qui était mauvais. They transform to light through their words, their action, their reaction. Are you getting it? Ja, die verwandeln sich in Licht durch ihre Worte, durch ihre Handlungen. Beautiful words, good words. Et beaucoup de gens se déguisent comme des anges de la lumière avec des bonnes paroles. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. The discerning of the spirit is for both the spirit and the mind, which is the soul. Die Unterscheidung der Geister ist für den Geist und für die Seele. Et le discernement de l'esprit, c'est pour l'esprit et pour l'âme, pour les pensées. You know, people can come to you and say they have Jesus, but you have to discern the Jesus that they have. Leute können zu dir kommen und sagen, sie haben Jesus. Are aber you du musst unterscheiden können, welcher Jesus es ist. Et les gens peuvent te dire qu'ils ont Jésus-Christ, mais tu dois vraiment juger quel Jésus-Christ ils ont. Amen. Mm-hmm. For us, God's children, we don't discern our spirit that is already saved. Als Kinder Gottes unterscheiden wir nicht unseren Geist, weil unser Geist schon errettet ist. Et pour nous, les enfants de Dieu, on ne discerne pas notre esprit parce que nous sommes déjà sauvés. Amen. Amen. Except if you are not really saved. Sauf wenn du nicht errettet bist. Sauf si tu n'es pas vraiment sauvé. Amen. Amen. Your spirit is perfect. Dein Geist ist vollkommen. Ton esprit est parfait. And you are not to doubt it. Und daran darfst du nicht zweifeln. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But the spirit of your mind is the part you are to discern. Aber deine Seele, da Let's musst go du to Ephesians 4. Mais c'est le parti de ton âme que tu dois vraiment juger et discerner. On va lire Ephésiens 6, 4. Ephésiens 4, verse 23. He said, I'll be renewed in the spirit of your mind. Be renewed. You get it. Be renewed in the spirit of your mind. In your mind is a spirit. In deinen Gedanken, that needs dein salvation. Verset, though you have been saved. Mm-hmm. Obwohl du errettet bist. Et verset 23 nous dit que il y a aussi, disons, un esprit dans notre âme, nos pensées qui doit être sauvé. The decision you take always comes from your inside, from the inside, from your mind. Die Entscheidung, die du triffst, kommt immer von deinem Inneren. Parce que toutes les décisions viennent de ton intérieur. You can't be saved in your spirit while your mind is, you know, just cooperating with Satan. Du kannst errettet sein mit deinem Geist, of your mind. Aber deine Seele kooperiert die ganze Zeit mit dem Satan wegen dem Geist in deiner Seele. Tu peux être sauvé dans ton esprit, mais tes pensées sont en train de coopérer avec le diable. We discern who we are allowed to speak through us. Wir unterscheiden, wer durch uns sprechen darf. C'est nous qui décide, c'est toi qui décides qui peut parler à travers de toi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Unbelievers and believers are two different people. Gläubige und Ungläubige sind zwei verschiedene Menschen. Les croyants et païens sont deux personnes, deux gens différents. Amen. Mm-hmm. And religious people and believers, the true believers are two different people. Und religiöse Menschen und wahrhaftige Gläubige sind auch zwei unterschiedliche Menschen. Les religieux et les vrais croyants, les vrais enfants de Dieu sont deux personnes différentes. Praise the Lord. Amen. For others that are unbelievers, or let me say, the religious people, we don't only discern the spirit of their mind, but also their spirit. The spirit in them, if it is Christ, if they are saved or not. Wenn es um religiöse Menschen geht, dann unterscheiden wir nicht nur ihre Seele, sondern wir unterscheiden auch ihren Geist, ob sie überhaupt noch errettet sind. Et s'il s'agit des gens religieux, on ne juge pas seulement leur pensée, leur âme, mais aussi surtout leur esprit. You know, somebody can pray the prayer of salvation here, be born again, and be filled with the Spirit. But, you know, the spirit of your mind is so powerful. If you do not allow it to be renewed, for Christ to wash it just like he is now in your spirit, it's a matter of time. You will be out. Jemand kann ja wiedergeboren werden und Jesus Christus als seinen Herrn und Retter annehmen und sein Geist kann vollkommen Jesus Christus sein, aber der Geist seiner Seele, seine Seele ist so stark, dass sie dafür sorgt, dass sie diese Rettung wieder rausspüren kann. Ja, par exemple, tu peux être une personne qui a été née de nouveau ici dans cette église, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, mais l'esprit de ton intellect est la raison pour laquelle à la fin tu vas même tomber, parce que cet esprit dans ton intellect est vraiment très fort. Look at Ephesians 4:23-24. He said, "And be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness." Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And you put it on to the extent it now affects your waist, affects your body. We are for putting away lying. Can you get it? You allow it, you are rooted in it, that is now, your action, your decision, what, you know, look at 25, we are for putting away lying, speak every man truth with his neighbor, you know, that your mind, the spirit of your mind, you allow this Christ spirit in your spirit to come to your mind. And now he's not going through your body. The fruit of the flesh, they are no longer there. Du lässt zu, dass der Geist von Jesus Christus, der in deinem Geist ist, dass er zu deiner Seele gelangen kann, damit du diese Frucht des Fleisches, die Lügen, nicht mehr zulässt, nicht mehr daran entwandelt im Fleisch. Et si tu es un enfant de Dieu, Ephésiens 23 et 24 nous dit que l'esprit de Jésus-Christ qui est dans ton esprit, tu dois l'autoriser qu'il entre aussi maintenant dans ton âme où tu penses, où tu sens, pour que maintenant le fruit de la chair soit détruit et puis que le fruit du Saint-Esprit soit maintenant en action dans ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. You put him on. Tu l'habilles. You remember. How do you put him on? You remember the finished work of Christ. You allow your focus, your desire, your value to be Christ. Das ist der Fokus, auf ihm allein liegt. It's all about him. Es geht nur um ihn. Et puis, tu peux porter Jésus-Christ quand tu vois l'accomplissement de son œuvre, quand tu as la paix dans ce qu'il a fait pour toi. Tu vois Jésus-Christ au lieu que tu te vois toi-même. Praise the Lord. Hallelujah. Christ's word is spirit. Das Wort von Christus ist Geist. La parole de Jésus-Christ est esprit. Christ's word is the truth. Du Wort von Christus ist die Wahrheit. La parole de Jésus-Christ est la vérité. We discern spirit through the truth. Wir unterscheiden Geister durch die Wahrheit. On discerne les esprits à travers la vérité. The Christ word, that is the only truth. Amen. Das Wort von Christus, das sagt, dass er die einzige Wahrheit ist. So unterscheiden wir die Geister. La parole de Jésus-Christ qui est la seule vérité, c'est comme ça on peut discerner les esprits. Discerning of spirit. It is the spirit that is discerning the spirit. Bei der Unterscheidung der Geister ist der Geist, der unterscheidet. Amen. Parce que c'est l'esprit qui discerne les esprits. It is the Christ in you that is discerning the spirit. It's not the flesh. Mm-hmm. Somebody getting it. And that is until that Christ is there, you cannot know the spirit that is speaking or doing anything. Deswegen muss dieser Geist da sein, damit er durch dich unterscheiden kann. Et le Christ en toi, c'est lui qui juge ou discerne les autres esprits. Parce que si l'esprit de Jésus-Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas aussi discerner les autres esprits. The Holy Spirit revealing who is speaking. Der Heilige Geist offenbart, wer spricht. Through people. Through you and through people. Durch Leute oder durch dich. Et c'est le Saint-Esprit qui te révèle qui est en train de parler. Religion cannot discern any spirit. Religion kann keine Geister unterscheiden. La religion ne peut pas discerner les esprits. Praise the Lord. Hallelujah. They cannot discern any spirit. Sie können keinen Geist unterscheiden. Ils ne peuvent pas discerner les autres esprits. Because they depend on their flesh and they depend on flesh. Sie sind Fleisch und verlassen sich auf das Fleisch. Parce que les gens religieux dépendent à leur chair et puis ils sont guidés par leur chair. Amen. And that's why, you know, when Jesus, you know, they will tell Jesus, the Jews, they will tell Jesus, show us something to know that you are really. You know, they can only see the outside. They can only see miracle. Until they see something, miracle, they cannot. You know, we don't see miracle. We see something. We see beyond miracle. Wir sehen kein Wunder. Wir sehen über das Wunder hinweg. Amen. Et les gens religieux se concentrent au miracle, mais nous, les enfants de Dieu, on ne voit pas le miracle, on ne voit pas l'extérieur, mais l'intérieur. You know, they say, tell me the future. So that I will know that you are really from God. You know, the damsel was telling them the future. The damsel, you remember the damsel, we just read it. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. He was telling them the future. Are you getting it? Mm-hmm. Und Leute sagen, sag mir mal die Zukunft, damit ich glauben kann, dass du wirklich von Jesus hörst. Aber diese Magd, die von diesem Dämon besessen war, die konnte auch die Geister die Zukunft hervorsagen. Und die Menschen, sie suchen nach Zeichen und Wunder, um zu glauben. Et les gens de nos jours, ils désirent les signes et les miracles, puis ils disent, dis-moi l'avenir pour que je croie que tu es vraiment de Jésus-Christ. Mais on peut voir que la femme dans Actes des Apôtres a été aussi capable de parler de l'avenir. You know, before Paul cast out that the unclean spirit in that damsel's life, you know, that damsel that was working for the Jews. Are you getting it? He was working for them. Amen. They were not, you know, because it's all about miracle. Are you getting it? But until I'm commissioned, until Paul came, somebody that can see more than miracle, you can see more than your beautiful ways, that can see more than fine ways. Are you getting it? Can see more than praising God, can see inside. The spirit that is in you. Are you getting it? Bevor Paulus dieses Mädchen sozusagen erlöst hat von diesem Dämon, hat dieses Mädchen für die Juden gearbeitet. Und Paulus hat sich aber nicht davon einschüchtern lassen oder hat sich nicht davon beeinflussen lassen. Er konnte mehr sehen als was diese Frau gesagt hat. Er konnte über diese schönen Worte hinwegsehen, über diese Wahrheiten, Anführungszeichen, die sie gesprochen hat, hinwegsehen und den Geist festmachen, der durch sie gewirkt hat. Et Paul, avant que Paul a délivré la femme qui avait l'esprit de divination et prédiction, cette femme travaillait pour des Juifs et puis Paul n'avait pas peur de ces gens-là parce que pour lui, il s'agissait pas de la chair, de l'extérieur, mais pour lui, il s'agissait de l'esprit qui parlait à travers de cette femme. Et c'est pourquoi il était aussi capable à détruire ou à chasser cet esprit. Praise the Lord. Hallelujah. You know, except you are really Satan, you cannot discern the spirit. Except you are really Christ, you cannot discern the spirit. Mm-hmm. In both sides. Mm-hmm. You can see demons discerning the spirit. Amen? Amen. So also, Christ's kingdom, you discern the spirit. Under religion, you cannot discern any spirit. Let's go to John 3. Wenn du wirklich zum Satan gehörst, wirst du Geister unterscheiden können. Aber genauso, wenn du wirklich zu Jesus gehörst, wirst du auch Geister unterscheiden können. Praise the Lord. Jusqu'à ce que tu appartiens au diable, tu ne vas pas être capable à discerner les esprits. Et jusqu'à ce que tu appartiens au vrai Jésus-Christ, tu ne vas pas aussi être capable à discerner les esprits. Et si tu es sous la religion, tu ne peux pas discerner l'esprit du tout parce que tu es guidé par ta chair. On va lire maintenant Jean 3. Look at John 3 from verse 1. Johannes 3, Vers 1. Jean 3, verset 1. He said, there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. Verse 2. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. How do we know that you are from God? He said, for no man can do these miracles that thou doest except God be with him. Are you getting it? Walking after the flesh, a miracle. Sich von den Wundern beeinflussen lassen und hat deswegen geglaubt, dass er etwas Besonderes Satan ist. Satan can also do miracles. Aber der Satan kann auch Wunder vollbringen. Dans verset 2, on peut voir que Nicodème a été guidé par sa chair parce qu'il a cru que Jésus-Christ a été un maître ou bien le Messie seulement parce que Jésus-Christ a fait des miracles, mais on doit savoir que même le diable est aussi capable à imiter les miracles. Praise the Lord. Amen. He said, I know that you are from God because of what I see. Je sais que tu viens de Dieu parce que à cause de ce que je vois. I know that that you are from God because of my five senses. Ich weiß, dass du von Gott bist wegen meinen fünf Sinnen. Je sais que tu viens de Dieu à cause de mes cinq sens. If you remember Luke 10, Jesus said, "Rejoice not because of the five senses." Aber Lukas 10 sagt Jesus, dass wir uns nicht freuen sollen wegen den fünf Sinnen. Your joy should be. Man, there's no five senses can even understand Amen. Your joy. Yeah. I don't know if you are getting it. Deine Freude sollte so sein, dass die fünf Sinne es eben nicht verstehen. Et Jésus-Christ nous dit dans Luc 10 qu'il ne réjouit pas à cause des cinq sens, mais réjouit parce que tes cinq sens ne sont pas au contrôle. You know, the same way this man will believe Jesus. He said, "We know that you are from God because of the miracle." So also he will believe the damsel because of the miracle. Weil genauso wie Nikodemus dann hier begeistert ist von Jesus wegen seinem Wunder, wäre er auch dann begeistert von der Magd, die ja auch einen Wahrsagergeist in sich hat und auch Dinge sagen kann. On peut voir que Nicodème a cru Jésus-Christ à cause de ses miracles, mais là on peut voir aussi que Nicodème a été aussi même capable à croire la femme dans Actes des Apôtres parce que cette femme a été aussi capable à faire des miracles ou bien à dire des grandes paroles. Praise the Lord. Amen. Amen. I know we have been going to this very mountain all the time. You know, mountain, the man that came to Jesus, the religious man that said, "Good master." You know, this man, he could not even decide it that, you know, he said, "I've obeyed all. Though I have obeyed all, I cannot discern if Jesus is the truth." I don't know if you are getting it. Und auch in Markus 10 bei dem reichen Jüngling. Er hat alles beachtet, aber konnte immer noch nicht erkennen, ob Jesus Christus wirklich der Wahrhaftige ist. Et même dans Marc 10, on peut voir que l'homme riche qui a tenu tous les commandements de Dieu, il n'a pas été capable à reconnaître que Jésus-Christ est vraiment Dieu lui-même. Under religion, you can never know Jesus Christ. Unter der Religion wirst du Jesus Christus niemals erkennen können. Sous la religion, tu vas jamais être capable à reconnaître Jésus-Christ. Amen. Amen. And under religion, you can never submit to Christ. Unter Religion, this man went to reside without submitting to Christ. Denn dieser Mann ist traurig weggegangen, ohne sich dem Herrn zu unterzuordnen. Et sous la religion, tu vas pas être capable à te soumettre à Jésus-Christ comme l'homme riche qui a abandonné Jésus-Christ et puis il est parti en tristesse. Praise the Lord. Hallelujah. Until you are in the spirit, you cannot discern any spirit. Erst wenn du im Geist bist, kannst du Geister unterscheiden. Jusqu'à ce que tu es en esprit, tu vas être, tu vas pas être capable. That is why the Bible wants you to live in the spirit. Deswegen sagt, will die Bibel, dass du im Geist lebst. Somebody getting it? C'est pourquoi la Bible veut que tu vis en esprit. Said the days are evil. Die Tage sind bösartig. Parce que les jours sont mauvais. There are pretending spirits everywhere. Es gibt Geister, die täuschen wollen. Il y a des esprits qui prétendent partout. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Until you are in the spirit, you cannot discern any spirit. Erst wenn du im Geist bist, wirst du Geister unterscheiden können. Jusqu'à ce que tu es dans l'esprit, tu vas pas être capable à discerner les esprits. That's why it's so important you know the truth. Deswegen what Christ called the truth. If you know the truth, you are in the spirit. Wenn du die Wahrheit kennst, bist du im Geist. Et c'est pourquoi c'est très important de connaître la vérité, parce que quand tu es dans la vérité, tu es dans l'esprit. You judge things by the truth. Wir richten Dinge nach der Wahrheit. Parce que tu juges les choses à travers what la Christ vérité. Called the truth. Dass Christus die Wahrheit. C'est que Jésus appelle la vérité. You judge things by their fruit. Yeah. What Christ called fruit. Richten Dinge nach der Frucht, das was Christus Frucht nennt. On juge par le fruit, c'est que Jésus Christ appelle fruit. Praise the Lord. Alléluia. Only few people can discern the spirit. Very few. Nur wenige Leute können den Geist unterscheiden. Seulement peu de gens peuvent discerner les esprits. Amen. Amen. In Christ's side, amen. The side of Christ. Im Königreich von Jesus Christus. Only few people can Nur discern the spirit. Können den Geist unterscheiden. Au royaume de Jésus-Christ, il y a seulement peu de gens qui peuvent discerner les esprits. Do you know why? Wieso? Wisst ihr weshalb? Tu sais pourquoi? Because only few people know what Christ called the truth. Weil nur wenige Leute wissen, was Christus die Wahrheit nennt. Parce que peu de gens connaissent ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Very few people are hungry. Only very few people that are hungry of what Christ called the truth. Nur wenige Leute sind hungrig nach dem, was Christus Wahrheit nennt. Seulement peu de gens sont en faim de ce que Jésus-Christ appelle la vérité. Only, you know, very few people submit to the truth. Nur wenige Leute geben sich der Wahrheit hin. Seulement peu de gens se soumettent à la vérité. Until you know what Christ called the truth, you cannot discern any spirit. Erst wenn du weißt, was Christus Wahrheit nennt, dann wirst du die Geister unterscheiden können. Si tu connais ce que Jésus-Christ appelle la vérité, c'est là où tu vas être capable à discerner les esprits. Discerning of the spirit does not come by seizure. Die Unterscheidung der Geister kommt nicht durch einen Anfall. Le discernement de l'esprit, ça ne vient pas comme une attaque. But by submitting to Christ. Dann, indem du dich Christus hingibst. Mais ça vient quand tu te soumets à Jésus-Christ. What he call evil, learn to call it evil. Lerne das Amen. Böse zu nennen, was er böse nennt. Amen. Tu dois apprendre d'appeler tout mauvais ce que Jésus-Christ appelle mauvais. You submit, you must submit to the truth. Du musst dich der Wahrheit hingeben. Tu dois te soumettre à Jésus-Christ. What Christ called the truth. Was Christus you love it, you live it, you start living it, you start judging it. Even everywhere you see things and you just know, you say it, you believe it and you say it. Du glaubst, that's how you keep it. It's like how children talk. You know, children, they start from a place and they keep on. That's how, once you know, if you see what Christ called evil and you just admire it and you clap for it, you stop the Holy Spirit from going further in you. Aber wenn du das akzeptierst, was der Herr ganz klar falsch nennt, dann ist es so, dass du den Heiligen Geist in dir dämpfst. Et quand tu, par exemple, si tu veux être en esprit, tu dois vraiment appeler tout ce mauvais ce que Jésus-Christ appelle mauvais. Mais quand tu commences à admirer ou bien à désirer les choses mauvaises, c'est là où tu arrêtes le Saint-Esprit à travailler. You know, like Jesus Christ, he submitted to his Father. Jesus Christ hat sich seinem Vater hingegeben. Comme Jésus-Christ s'est soumis à son Père. In John 10:30, he said, I and my Father, we are one. Johannes 3, you start from here. Myself and Jesus, we are one. Jesus und ich, wir sind eins. Et dans Jean 10, verset 31, Jésus-Christ a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Amen. You believe it. You know, Enoch believed. He believed he pleased God. You believe you please God. Stop walking by what you do. Walk by what he did for you. Hört auf, nach dem zu wandeln, was ihr tut, und nach dem zu wandeln, was er getan hat. Comme Enoch aussi, tu dois croire que tu plais. No, I'm not doing that. Comme Enoch, tu dois croire que tu plais à Jésus-Christ. Tu arrêtes aussi à voir ce que toi tu fais, mais tu commences à voir ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. With the heart, my believer, with your mouth, confession is made. Look at John 8. Look at what Jesus said in John 8. Johannes 8. Avec le cœur, tu crois, avec la bouche, tu confesses. Verse 29. Vers Jean 8. You are not different from Christ. And Jesus is so are you right so now. Jesus ist, so sind believe it and start living it and start saying glaube it. Das und sage Amen. Das. Amen. Amen. Amen. Stop saying what you do. See what he did for you. Amen. What he did. Hör auf deine Tat zu und schau auf das, was er gesagt hat. It's not about you. Et tu dois croire que tu es comme Jésus-Christ est, c'est comme ça que tu es aussi maintenant dans ce monde. Tu dois commencer à le croire, arrête de voir ce que tu fais. Jean 8, verset 29. Look at verse 29. 29. And he that sent me is with me. Can you see what Jesus is saying here? He that sent me is with me. My Father is always with me. No, you never doubt it. No matter the circumstances, no matter the manifestation or if anything is good or that is not your business. What your business is that you believe that you are your Father, you are one. Are you getting it? Don't allow anybody to make you doubt it. Deine Sache ist es, zu glauben, dass du und er eins seid und dass du dir das von niemandem wegnehmen lässt. Oder dass jemand dir das dafür sorgt, dass du das anzweifelst, dass ihr eins seid. Amen. Dans verset 29, on peut lire que Jésus-Christ dit, oui, c'est lui qui m'a envoyé et avec moi. Et c'est comme ça aussi, nous, nous devons vraiment croire que nous sommes un avec Jésus-Christ en n'importe quelle situation ou circonstance ou s'il y a des problèmes. Ce n'est pas vraiment notre concentration, mais notre concentration est que nous sommes vraiment toujours avec Jésus-Christ et connectés avec lui. Et puis, on ne doit pas laisser le diable nous accuser ou bien voler ce fait de nous. He said, the Father has not left me alone. And that you don't, that should be your words. You should be able to say that all the time. Jesus never leave me, never forsake me. Amen. I am never without him. Ich bin niemals ohne ihn. That's the beginning. Amen. Das ist der Anfang. Then he said, for I do always those things that please him. Mm-hmm. I do always. Whatever, I'm getting it. Go to Hebrew 11. Verset 29, oui, c'est lui qui m'a envoyé et avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce que lui est agréable. Ce que Jésus-Christ dit ici, c'est toi, tu dois être capable à le dire et à le confesser toi-même. Hébreux 11. Praise the Lord. Alléluia. Verse 5. Verset 5. You know, Jesus just said that he do always what please God. Jesus what sagt hier ganz Father. Klar, ich tue ständig, should was for you meinem also. Vater gehört. Das sollte auch für alle spielen. Amen. Amen. Look at what somebody said. He said, by faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. It's not only Jesus that pleased God. Are you getting that saying it? Once you believe, you are to believe it that I please you. Don't walk by what you do. Amen. Walk by what he did. Amen. Hör auf, nach dem zu wandeln, was du are you getting it? Wandel nach dem, was er für dich getan hat. Dans verset, sorry. Jésus-Christ nous montre ici que nous sommes agréables à Dieu, puis c'est comme ça si on doit le croire puis le confesser. What you do is never enough. Parce que tout n'est jamais genug. Parce que tout ce que tu fais c'est jamais assez. Satan will always have something to condemn you. Der Satan wird immer etwas haben, you, to tell you that you are short. Um dir zu sagen, dass du einen Mangel hast, dass du nicht genug bist. Et le diable va toujours trouver quelque chose pour t'accuser, pour te dire que tu as un manque quelque part. Then why don't you submit to what he did for you? Weshalb ergibst du dich dann nicht dem, was er für dich getan Matthew hat? Five. Mais pourquoi tu te soumets pas à ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Praise the Lord. He says, submit to your adversary when you are on the way. Tell him that you are not, that there is nothing good in you. Are you getting it? Praise the Lord. Sag ihm, dass nichts Gutes in dir ist. Tu dois dire à Dieu qu'il n'y a rien de bien en toi. Amen. From verse 25. Matthieu 5, verset 25. Agree with your adversary quickly while thou art in the way with him. Amen. Agree with Satan because he will be seeing what you do. It's no longer about what you do, it's what Christ did for you. Es geht nicht mehr um das, was du tust und was er für dich getan hat. Dann müssen wir anfangen. Meditate in what he did for you. Du darfst nachsehen, was er für uns getan hat. Amen. Tu dois vraiment te concentrer à ce que Jésus-Christ a fait pour toi, puis arrêter de voir toi-même. Agree with your adversary quickly while thou art in the way with him, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison. Amen. If it is about you, Satan will always have something to defeat you. Wenn es um dich geht, there is no good in man. Immer etwas haben, um dich zu zerstören, um dich zum Zweifeln zu bringen. On vient de lire Matthieu 5, 25 à 26, et puis on doit comprendre que quand tu commences à te voir toi-même, tu vas aussi ouvrir la porte au diable pour qu'il commence à t'accuser parce qu'il n'y a pas de bien en homme. Amen. Amen. We just read John 8:29. It said, I do always those things that please my Father. That is what should be yours. And Jesus is, you know, God sent Jesus and Jesus sent you. Gott hat Jesus gesandt und Jesus hat euch gesandt. John 10, 13. Go, look at John 10, 13. Let's go there. 10, 30. John 10, verset 30. Praise the Lord. Jesus never separated himself from his father. Jesus hat sich nie von seinem Vater getrennt. Jesus s'est jamais séparé de son père. Praise the Lord. Alleluia. And Satan, we always want you to separate yourself from him. Aber Satan will immer, dass du dich von Jesus trennst. Mais le diable veut que tu te sépares de Dieu. Verse 30, I and my father are one. Mein Vater und ich, wir sind moi, le père et moi, nous sommes un. Amen. Amen. He is, you know, he came here, he was sent. Just as we are sent. Und wurde gesandt, genauso wie wir gesandt sind. Mm. Jésus-Christ a été envoyé comme nous aussi nous sommes envoyés. Amen. Allow this mind to be in you, the same mind that was in Jesus Christ, that he was able to say, I and my Father, we are one. Das, was du die gleiche Einstellung hast. Genauso wie Jesus, der stolz sagen konnte, dass er und sein Vater eins sind. Mm. Et tu dois vraiment laisser que tu as le même attitude comme Jésus-Christ, parce qu'il a dit que moi et mon Père, nous sommes un. Let this mind be in you, the same mind that was in Christ. Colossians 2. Wir sollen die gleiche Gesinnung haben wie Christus. Colossians. Go to Colossians. On doit avoir le même pensée comme Jésus-Christ, Colossiens 2. Praise the Lord. Amen. Colossians 2. Verse 6. Verset 6. Oh, sorry. I'm coming. Praise the Lord. Amen. Can somebody help me to get it? Yeah. Let me see. That's the place I want to go. He said, allow this mind to be in you, the same mind that was in Christ Jesus. I'm coming. Praise the Lord. Hallelujah. Philippians 2. I get it. Go to Philippians 2. Philippians 2. Philippians 2. Verse 5. Verse 5. Verse 5. Amen. He said, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Amen. The same mind that was in Christ Jesus, allow that mind to be in you. Diese gleiche Gesinnung sollen wir auch haben. Amen. Amen. On doit avoir le même pensée comme Jésus. Are we there, please? He said, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Praise the Lord. Hallelujah. Allow that same mind to be in you, inside you. Believe it. Glaube das. Tu dois avoir la même mentalité comme Jésus-Christ et tu dois le croire. Even before this time, they not believe it. Please go. Und vorher hat Gott schon geglaubt, dass er Gott gefällt und dem Herrn hat das gefallen. Et même avant ce temps, Enoch a cru qu'il était agréable à Dieu et puis ça plut à Dieu. Praise the Lord. Amen. Amen. In John 4, verse 34. Quickly go there, please. John 4, 34. Johannes 4, 34. Look at what he called his own meat. Jean 4 et 34. Jean 4, verset 34. Praise the Lord. Amen. John 4, 34. Johannes 4, 43. Jean 4, verset 34. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me. Yeah. And to finish his work. My meat. Meine Speise. It's not Momo. Keine irdische Speise. Are you getting it? Look at Christ's meat. And that should be our meat. Und das sollte auch unsere Speise sein. Et si on voit verset 34, on peut voir la nourriture de Jésus-Christ, ça doit aussi être notre nourriture. It's not cow leg. Es ist nicht, are you getting it? Hähnchen. Oh, you know, Hähnchen. Christ's meat should be what we call meat. That is our meat. Das sollte unsere Speise. I have to eat meat today. Ich muss meine Speise zu mir nehmen. Das sollte unsere Speise sein. Et la nourriture de Jésus-Christ, c'est pas le poulet, mais c'est Jésus-Christ lui-même. Et puis ça doit aussi être notre nourriture. Amen. Amen. Amen. Amen. You submit to the finished work of Christ. Wir müssen uns dem fertigen Werk von Christus hingeben. Et tu dois te soumettre à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. It is not just believing on anything. It's believing on his finished work. Es geht nicht nur darum, irgendwas zu glauben. It's not believe what? What am I going to believe? Woran glaube ich? Believe on his finished work. An das fertige Werk müssen wir glauben. Et il s'agit pas seulement d'avoir la foi ou bien de croire. Tu dois croire vraiment à l'accomplissement de Jésus-Christ, à l'œuvre de Jésus-Christ, et pas à n'importe quoi. Praise the Lord. Alléluia. Go to John 8. Johannes 8. Jean 8. I want to finish here so that we, on Sunday we have something the Lord has for us. Amen. Amen. There's something else we want to go to. Look at John 8. Johannes 8. From verse 30. 30. Jean 8, verset 30. Amen. Amen. And he said, as he spoke these words, many believe on him. They believe on him. Sie haben an ihn geglaubt. Beaucoup ont cru en Jésus-Christ. Here Jesus was speaking to those that believe on him. Jesus spricht jetzt den Leuten, die an ihn geglaubt haben. Et Jésus-Christ parlait à ceux qui croyaient en lui. He was not speaking to those that do not believe on him. Er hat zu den Leuten gesprochen, die nicht glauben, sondern zu den Leuten, die glauben. Ici, il ne parlait pas aux gens qui ne croyaient pas, mais aux gens qui avaient la foi en lui. Then you not talk about the truth because you can believe and not know the truth. Du kannst glauben, ohne die Wahrheit zu kennen. Parce que tu peux croire sans savoir la vérité. I don't know if you are getting it. Mm-hmm. You know, Allah believe that Jesus is, you know, he was so powerful, so powerful. Some people believe that he is God. Oder dass er Gott ist. But they don't know the truth. Aber sie kennen die Wahrheit nicht. Look at it. Mm-hmm. As he speak these words, many believe on him. 31. Verse 31. They said Jesus to those Jews that believe on him. If you continue in my word, then are ye my disciples indeed? And you shall know the truth. I know you believe, but you are to continue, and then you know the truth. Ich weiß, dass ihr glaubt, aber ihr müsst weitermachen, dann werdet ihr auch die Wahrheit erkennen. Et Jésus-Christ dit ici dans verset 31 que je sais que vous avez la foi en moi, mais vous devez vraiment croire et attacher à mes paroles et agir aussi. Here he is telling us that you can't believe. Er sagt uns hier, wir können glauben, ohne die Wahrheit zu kennen. Es ist eine Montre, que tu peux croire sans savoir la vérité. You know, until you submit to Christ, you will be quoting the word and not knowing the truth. You know, quoting the word. You know, you can quote the word and know the word and know everything. No, no, just before you are the first to open it. You know, you can quote it. But knowing the truth is something else. Wir können das Wort sogar zitieren, ohne die Wahrheit zu kennen. Wir können die schnellsten sein in Stellen finden und Stellen aufsagen, aber die Wahrheit zu kennen, das macht den Unterschied. Et tu peux aussi être une personne qui est capable à citer toutes les versets bibliques ou bien qui connaît tous des grands mots, des grandes paroles de Jésus-Christ, mais sans savoir la vérité, sans voir la révélation de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Then he said, you shall know the truth. And the truth, you know, will make you free. Die Wahrheit, die ihr kennt, wird euch frei machen. La vérité que vous connaissez, ça va vous rendre libre. It is not the word of God that make you free, but the truth that make you free. Es ist nicht Gottes Wort, das euch frei macht, sondern es ist die Wahrheit, die euch frei macht. Ce n'est pas la parole de Dieu qui vous rend libre, mais c'est la vérité qui vous rend libre. And that's why Moses' word can never free you. Deswegen können die Worte von Moses nicht frei machen, sondern das Wort von Christus. Et c'est pourquoi les paroles de Moïse ne peuvent pas te rendre libre, mais c'est seulement les paroles de Jésus-Christ. You can see the Jews, they were not free. Könnt die Juden sehen, ja, sie waren nicht frei. Pas libre, par exemple. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You can see all those that are in laws today. They are never free. No freedom for them. Freiheit. Amen. Amen. Because it's Christ's work, Christ alone, who bred from heaven. Geht. Amen. Amen. One is salvation, the other is not. Der Rettung, das andere nicht. Kannst du mal erklären? Das habe ich nicht verstanden mit dem Boot. Two bread from heaven. Es gibt das irdische Brot, was vom Himmel gefallen ist, das Manna, und es gibt das Brot, also das Jesus Christus selbst ist. Und das eine hat gerettet und das andere. Moses fed them with bread. Genau. And Jesus is here feeding us with bread. Mm. Two bread from heaven. Mm. One is salvation, the other one is not salvation. Mm. One is freedom, the other one is not freedom, it's bondage. Das eine war vielleicht ein Wunder oder ein Segen, aber es war nicht der Rettung. On peut voir que les gens qui sont sous la loi ne sont jamais libres. On peut voir aussi cette différence avec, par exemple, les gens ont mangé le pain du ciel, mais ils ont pas été libres. Mais Jésus-Christ nous a aussi nourris avec le vrai pain, et c'est là où nous sommes libres. Amen. Amen. We close here. Please, let me leave. Let me leave. I think also another area. Continue. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. The signing of the Spirit is very powerful. Die Unterscheidung der Geister ist sehr wichtig. We need it so well. Le discernement de l'esprit, c'est très important. C'est, nous avons besoin de ça. If not, we will walk like the blind people. Sonst werden wir wie die Blinden gehen. Sinon, on va marcher comme les aveugles. If not, we will walk by miracle. Sonst werden wir uns von Wundern ablenken lassen. Sinon, on va être distrait par les miracles. Are you getting it? Praise the Lord. Amen. Amen. Amen.